Cohen au teint blanc, a tout juste 17 ans, à bord d'un synago, quitta le continent. Elles étaient une douzaine dans sa situation, jeune fille sans famille, envoyée en mission. Certaines étaient rieuses, d'autres effarouchées, Marie-Jeanne la boiteuse et Mado l'effrontée. Elles étaient attendues par tout un bataillon, garnison insulaire à 8000 de Quiberon. Maëlouen, fille perdue dans l'écume de mer. Maëlouen, oh Maëlouen, fille oubliée sous ce Philistère. L'accueil sur un caillou se fit par le curé, qui se signa autant qu'il compta dames d'années. Et on les escorta jusqu'à la petite maison, à l'autre bout de l'île, entre Landes et Charnon. Maëlouen au teint blanc avait juste 20 ans. Elle se mit à compter les jours, les mois, les ans. Les prénoms de ses hommes ne les demandaient plus. Les saisons défilèrent le fort Vauban à vue. S'effeuillantes ces dames, tout en se lézardant sous les assauts des lames, n'attirant plus les hommes, triste lendemain de fête, elle tomba de déni dans l'oubli des tempêtes. Maëlouen, Maëlouen, vie perdue dans l'écume de mer. Maëlouen, oh Maëlouen, fille oubliée sur ce Finistère. Maëlouen, Maëlouen, vie perdue dans l'écume de mer. Maëlouen, oh Maëlouen, fille oubliée sous ce Finistère. Maëlouen au teint blanc, avec 80 ans, la paupière fardée jusqu'au dernier moment. Dernière fille de joie à la Coulaouen rue, dernière fille oubliée de la maison perdue.